Radio-Passion. C'est fou. 89 ans. Le pire d'aujourd'hui, assemblage requis. Stéphanie nous expliquera encore pourquoi on dit ce qu'on dit dans sa plus simple expression et je vous expliquerai comment dépenser votre argent dans sa expression de vrai pont. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 29 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Hey, ho, ho. On était... Pour hé-hé, si tu veux. Tout le temps le contraire mais de moi. Non, mais je veux juste te répondre. Ah, OK. C'était cute. Hier, c'était cute aussi. C'était Ouzley Miss Anyway. Ah. Qu'on a passé de bons moments au temps d'une pinte. Ah, toujours un succès. Incroyable. Ce match spécial d'improvisation de la Lime. J'adore ça. C'est, si vous avez manqué, ben, Caroline, c'est l'année prochaine. Honte à vous, comme dirait Mathieu Plante de Cifre 89 FM. Ça me dit vaguement quelque chose quand même. Sur Facebook. L'année prochaine, au mois d'octobre, toutes les années, c'est Ouzlim. Genre, fait que. Elle n'a pas manqué. Sachez-le. Vraiment. Bref, on n'en parlera pas parce que de toute façon, c'est passé. Puis, si vous, t'sais, moi, c'est le genre de choses que je trouve bizarre, t'sais, de critiquer des choses. C'est comme ça. Si c'est passé, ben, tu l'as raté, t'es triste. Puis, si tu l'as pas raté, t'étais là. Fait que tu t'en fous. T'sais. Non, mais c'est parce que ça peut justement permettre aux gens de comprendre qu'il faut qu'ils soient là la prochaine fois. De mettre ça dans votre agenda dans 364 jours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. C'est quoi le problème? Exactement, c'est quoi ton problème? Toi? Arrête là ton négatif, ta négativité. Aujourd'hui à l'émission, Steph, on a un plan assez toi et moi encore. Le mercredi, c'est principalement toi et moi. D'accord, t'sais, on fait ça à deux seulement. À deux seulement, hier c'était un gangbang de contenu. Aujourd'hui, c'est plus traditionnel. Plus traditionnel. Moins kinky un peu, donc. Donc, on va faire cette expression de réponse là pendant, encore une fois, toute l'heure, entre 8h et 9h. Mm-hmm. C'est ce qu'on préfère faire depuis l'été, genre. Je pense qu'on faisait pas à 8h le matin. C'était la belle période. Ensuite de ça, 9h, tu vas nous faire une deuxième portion, la suite d'hier de sa plus simple expression. Oui. Avec un autre thème, je me dis. Ça nous manque. Ça nous manque. C'est pas assez, une fois. Non. Ça me rappelle une pub qui dit « Ah, si seulement on pouvait le faire plus qu'une fois par semaine! » Je sais pas pourquoi tu prends cette voix-là, c'est parce que c'est toi qui dis ça. Ben raison. « On peut pas le faire plus d'une fois par semaine! » ça pue sa expression à l'avant. On va débuter dans quelques instants avec « Arrête avec tes questions, tu vas m'aider à me poser des questions oh! à la vie! » C'est génial, ça! Donc, ça commence maintenant avec une chanson, comme toujours, une nouvelle entrée. On en a 8 aujourd'hui. En fait, pas aujourd'hui, mais cette semaine, dans les palmarès, c'est fou. On risque pas d'être capable de rentrer nos 8 nouveautés dans les deux minces journées qui nous restent dans la semaine, mercredi et jeudi. Donc, allons-y avec le francophone pour commencer Chocolat et leur extrait Burnout, tout de suite. Ça, c'est fou! Dans vos oreilles! We'll be right back. Eye, la pièce Burnout sur l'album. Même qui s'appelle TSS, TSS. C'est bizarre, hein? Ouais. C'était délicieux, c'était, ça fondait dans la bouche tout ça. Je sais que ce qui te fond la bouche présentement, ce qui te brûle les lèvres, Stéphanie, c'est des questions. Hein, par j'en rapport... ai tout le temps. Oui, t'en as tout le temps, je le sais, t'en as tout le temps. Mais je pense que cette fois-ci, elles ont un certain rapport avec un sujet. On va faire arrête avec tes questions. Édition Halloween. Savoir non plus. C'est arrête avec tes questions. Mais toi, tu sais tout, Mathieu. Ah. C'est pour ça que tu vas répondre à mes questions. Ah, tu fais bien de le dire. Premièrement, je suis très reconnaissant, mais aussi, tu fais bien d'avoir des questions. Toi, t'es une fille qui te pose des questions et c'est bien d'être curieux ou curieuse dans la vie. Donc, tout le monde se félicite l'un l'autre. Est-ce que t'es prêt pour la première question? Bien sûr que je suis prêt. Mathieu, mais premièrement, là, j'aimerais ça que tu m'expliques. Pourquoi on sculpte des citrouilles? Pourquoi on lui fait des faces? Pourquoi on les vide? Pourquoi est-ce qu'on sculpte des citrouilles? Pourquoi est-ce qu'on les leur... Pas occulté. Ouais, c'est pas comme un médecin. Non, ben, c'est pas occulté. Ça, non, c'est ausculté. En tout cas. Ah, c'est sculpté des os. Ouais. Ausculté. Je pense que c'est ça. Bref, tu disais... Pourquoi on sculpte des citrouilles? Quelle excellente question, Stéphanie. Je te répondrai à l'instant. À cette question par une réponse. Hein? Merci, c'est beaucoup trop généreux. Vider l'intérieur d'une grosse citrouille, faire une face dedans, mettre une chandelle. Il me semble que c'est un petit peu bizarre, à peine, tu sais. Ben, tu sais. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est l'histoire de la première Jack-O-Lantern. Tu sais qu'on dit souvent Jack-O-Lantern pour une citrouille. Dans les années 1500, les conteurs irlandais racontaient l'histoire d'un forgeron nommé Stingy Jack. Nommé Joseph. Non, il était pas forgeron. Stingy Jack, donc, qui avait invité le diable à un bar. Okay. Donc, leur soirée de boisson et de fête s'est terminée. Jack avait besoin d'argent et le diable s'est transformé en une pièce de monnaie, parce qu'à l'époque, c'était pas cher, c'était juste une pièce de monnaie, pour qu'il puisse payer sa facture. Grand blagueur, Jack a juste pris l'argent pour lui, hein, et il a utilisé une croix pour empêcher Satan de se rechanger en Satan. C'est vraiment une croix. Ça empêchait ça, tu sais. Plus tard, il a laissé partir le diable sous la condition que son âme n'irait jamais en enfer. Ouais. C'est un bon deal, un bon marché, tu sais, quand même. Donc, lorsque Jack est mort, Dieu ne voulait pas le laisser entrer au paradis. Donc, son âme était prise sur terre. Oh. Se sentant mal que son vieil ami se promène dans le monde, dans le noir, le diable a donné à Jack un charbon brûlant en feu. Que Jack, pour des raisons qu'on ne connaît pas, évidemment, c'est un conte, tout ça, a placé ça dans une citrouille vidée. Hein? Et donc, c'est Jack O'Lantern qui est né à ce moment-là. On sait pas plus pourquoi il a mis ça. Pourquoi une citrouille? Ben non, c'est ça. C'est ce que ça dit pas. Là. Même qu'en fait, ça ne parle pas nécessairement d'une citrouille. Je crois qu'il y a un mot en français pour cette autre sorte de légume-là qui est un turnip. C'est un navet. Un navet. Oui. J'en ai déjà parlé. Je crois que oui. En tout cas, oui. Avant, c'était le navet qui était utilisé à la place de la citrouille. Ça a plus de sens. Mais ils trouvaient que c'était comme plus pratique. La citrouille, c'était plus gros. Bon, ouais. C'est moins dur à vider aussi, parce qu'un navet, c'est pas creux, contrairement à une citrouille. Et en fait, il n'y a pas juste des navets, il n'y a pas juste des citrouilles, il y a des betteraves et des patates qu'on peut utiliser. Mais bref, on en parle plus tard dans l'article. L'aventure a été inventée, parce qu'on disait tantôt que c'était un conte irlandais, ça a été inventé pour expliquer le phénomène du Will-o'-the-Wisps. Est-ce que tu connais le Will-o'-the-Wisps? Non. C'est comme des espèces de lumières mystérieuses créées par un gaz dans les swamps. En Europe. Autour des swamps. Ouais, autour des swamps. Dans ce coin-là, donc il y a de la lumière qui est dans le ciel, bref. Et bref, c'est devenu la tradition pour les Irlandais de prendre des navets, des betteraves et des patates pour que leurs amis pensent que Stingy Jack était près d'eux. Donc les immigrants ont amené cette coutume-là aux États-Unis et là, on a commencé à utiliser, comme tu disais, la citrouille. C'est devenu le légume de choix. Légume? Hein? Légume? Oui. Citrouille de choix? Oui. Pour éclairer les soirées des jeunes enfants. revoir. Oh, c'est une belle histoire. Joli, hein? Mais je suis quand même pas satisfaite et j'ai d'autres questions. Insatiable, toi. Mathieu. Steph. Je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont distribué des bonbons empoisonnés des à l'Halloween? Des fous, des malades? Des fous! Ouais, des fous furieux, des criminels à des enfants au hasard comme Texas. Ça. Texas. Texas, ce serait un bel endroit pour ça probablement. Donc, à des enfants au hasard, ben, pas à ce qu'on sache. Ah? Pas à ce qu'on sache. En 1974, un garçon de Houston, au Texas, hein? Donc ça, c'est en 1974. Le garçon, il avait 8 ans. Il était nommé... il est encore nommé Timothy O'Brien. Il est mort. Il s'appelle plus comme ça. Il s'appelle comme ça, mais il est mort. Fait que, il s'appelle comme ça quand même. On l'appelle Feu Timothy O'Brien de nos jours, je pense. Bref, Fire! Fire. Il est mort après avoir mangé des Pixie Sticks. C'est des petits bâtons avec de la poudre dedans. Petit bâton de poudre. Ouais. Genre de paille, mais pleine. Ouais. Avec de la cyanure, est-ce qu'on dit du cyanure peut-être, dedans, donc quand il a passé l'Halloween. L'enquête du meurtre de Feu Timothy O'Brien, l'enquête a mené à son père Ronald Clark O'Brien qui avait récemment pris une assurance vie sur ses deux enfants. Donc la police a pu construire son cas autour de ça. O'Brien avait donné à Timothy et à sa sœur Elizabeth les bonbons empoisonnés pour essayer de ramasser l'argent de la police d'assurance. Pour aider à se couvrir, O'Brien avait aussi donné à deux autres enfants donc des bâtons de Pixie Sticks au cyanure. Heureusement, sa fille et les deux autres enfants ont dit non à cette poudre-là. Ils ont préféré les autres bonbons. Il y a seulement Timothy qui en a mangé et donc qui est mort. O'Brien éventuellement a été trouvé coupable et exécuté du meurtre de son fils, pour le meurtre de son fils. C'est terrible! Terrible, hein? Comment peut-on préférer l'argent à ses propres enfants? Ouais, comment peut-on vouloir un Pixie Sticks? Mais tu vois, il y en a quand même 3 sur 4 qui ont refusé. 3 personnes de goût sur 4. Mais donc, t'es en train de me dire qu'il n'y a jamais... Il n'y a jamais personne qui est mort de bonbons d'Halloween empoisonné. Ah ben là, empoisonné. Attends un peu. Non, t'as raison, non. En fait, non. C'est jamais arrivé. En fait, selon le site Snopes.com, qui est très, très journalisme d'enquête, ils ont ramassé, eux, une liste impressionnante de nouvelles à travers le temps. Donc, de bonbons empoisonnés, blâmés pour des morts. En 1970, un garçon de 5 ans de Détroit est mort après avoir mangé de l'héroïne. Beaucoup d'héroïne. Oui. Ouais, en fait, ils ont fait des tests sur ces bonbons d'Halloween et ça nous a montré qu'il y avait eu de l'héroïne qui avait été saupoudrée donc sur les bonbons. Mais la police a plus tard appris la vérité derrière la mort de ce garçon-là. Il était tombé sur l'héroïne de son oncle. Il avait mangé ça par erreur, donc il y avait une stache, comme on appelle, d'héroïne, son oncle, dans sa maison. Et sa famille a ensuite saupoudré la drogue sur les bonbons d'Halloween de l'enfant pour que les policiers pensent que c'était parce qu'il y avait une distribution d'héroïne dans les bonbons et non pas l'héroïne de l'oncle qui était déjà dans la maison, qui était donc coupable. T'sais. Donc, terrible. C'est pour comme blâmer genre toute la communauté ou un autre criminel dans la rue qui aurait mis de l'héroïne. C'est spécial. Ouais. Bon, mais Mathieu, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que ça effraie tant de monde s'il n'y a jamais... Ça n'est jamais arrivé? Exactement. Les gens ont tellement peur. Et surtout que les parents passent genre toute l'année à dire à leurs enfants de ne pas accepter les bonbons des étrangers. Genre. Puis après ça, une journée dans l'année, c'est comme « Hey, gâtez-vous! Prenez tous les bonbons, tout le monde! » C'est un petit peu bizarre, un petit peu ironique. Mais bon, on revient. En 1982, il y a eu une frousse partout aux États-Unis, ce qu'on appelait les Tylenol Murders. Il y a 7 personnes à Chicago qui sont mortes après avoir été empoisonnées en prenant des Tylenol qui avaient été empoisonnés. Donc les gens sont devenus un petit peu plus nerveux, ça a monté la nervosité d'un certain cran, voilà, par rapport à des gens qui empoisonnaient des affaires, c'est sûr. Ensuite, à chaque quelques années, on entend parler dans nos familles peut-être d'un parent ou quelqu'un proche de nous qui est mort en mangeant des bonbons d'Halloween ou peu de temps après. Tu sais, statistiquement parlant, il y a autant de chances de mourir à Halloween qu'à n'importe quelle autre journée de l'année, mais des fois, ça peut arriver que, tu sais, on ait le souvenir de quelqu'un qui a mangé une mini-barre de chocolat, puis qui soit étouffé, puis qui soit mort, ou tu sais, ou une personne âgée qui a mangé quelque chose, puis ça a donné qu'ils sont morts ce même jour-là. Donc, les gens, des fois, font des liens avec les bonbons d'Halloween parce qu'ils sont autour de bonbons pendant une bonne période de quelques semaines, je dirais, autour de l'Halloween d'habitude, surtout dans mon cas après. Genre quand ils sont en genre spécial. Mettons, on va se dire. Donc, ça peut être un problème de cœur, ça peut être une infection par une bactérie. Donc, tout ça, à la place d'être blâmé sur la bactérie, ça va être blâmé sur l'Halloween. C'est pour ça, des fois. Ah! Donc, OK, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de poison d'un bonbon d'Halloween des enfants dans la région, là. C'est ça, ben c'est ça, là. Mais qu'est-ce qu'il y en a des seringues ou des lames de rasoir? Ben c'est là que ça se complique, c'est là qu'on devrait peut-être un petit peu plus stresser et vérifier ces bonbons. En fait, c'est la raison pour laquelle on conseille d'enquêter sur les bonbons de vos enfants. Contrairement à des bonbons empoisonnés, il y a vraiment des preuves qu'il y a eu des objets coupants placés dans des sacs d'Halloween des enfants. C'est vrai. Mais c'est plutôt rare et on dirait vraiment pas que ce serait une épidémie. Dans ce cas-ci. Encore une fois, selon Snopes, depuis 1959, il y a eu environ 80 fois qu'on a entendu parler d'objets coupants dans de la nourriture. La plupart étaient des grosses attrapes, des grosses blagues, des gros tours qu'on jouait. Mais bon, bref, c'est même si ces histoires-là n'étaient pas vraies, les aiguilles ou les lames placées dans la nourriture par quelqu'un de la famille ou par des amis qui, eux, pensaient que c'était une bonne blague, ça arrive. Oui, c'est vrai que c'est très drôle, une seringue dans la main. Hey, Colin, j'ai un épisode de Juste pour rire les gags là-dessus, ce serait vraiment parfait. Là, donc, le malaise. Mais malaise, l'émission au complet, je te dirais. Mais le désavantage potentiel de mordre dans un objet coupant est quand même assez faible. La pire fois de toute l'histoire, l'histoire qui a été dite dans des articles de journaux, bref, qui a été mise sur papier. Mm-hmm. C'est une personne qui a eu, après ça, à se faire des points de suture dans la bouche, puis le problème était assez facilement réglé. Là. Tu vas pas mordre dans quelque chose de coupant, puis faire comme « Oh, miam, c'est dommage bon, puis je vais continuer, puis je vais tout me la serrer la bouche. » C'est juste une fente qui arrive, puis hop, c'est coupant, j'enlève la lame, et je m'en vais à l'hôpital, puis le problème est réglé, t'sais. Mais tu pourrais t'étouffer avec une seringue parce que tu essaies de la mâcher puis de l'avaler, non? Peut-être si vraiment... Non, c'était pas une question. T'es particulièrement lent, peut-être. bref, c'est ça. C'est pas si pire que ça. OK. Mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été attrapé pour une attaque de seringue comme ça? Un criminel à la seringue, un fou de seringue. Malgré les décennies de stress par les parents d'enfants, ou dans ton cas, peut-être... De non-parents, d'enfants potentiellement futurs. Donc, ça n'a pas eu lieu. On n'a pas lu ça avant l'an 2000. Oh. Donc, d'une organisation de gâchage d'Halloween par objet piquant ou coupant. Donc, cette année-là, James Joseph Smith... Je savais qu'il y aurait un Joseph. Ouais, et trois noms tout à fait génériques. James Joseph Smith. C'est peut-être même pas son vrai nom. C'est comme Georges Roger Tremblay. T'sais. C'est comme trois noms le plus facile possible. T'sais. Tu peux pas le trouver. Non. Jamais tu vas le trouver. Tu vas trouver des John Joseph John Smith. Donc, à Minneapolis, lui qui aurait présumément mis des aiguilles dans des barres sneakers. Sacrilège. Au moins, il l'a pas fait dans des Mars. Parce que ça, c'est pas mal meilleur que des sneakers, je trouve. Donc, il donnait à des enfants à l'Halloween. Plusieurs enfants ont mordu dans ces délicieuses barres à M. Smith. Hein, on va l'appeler comme ça. Donc, mais c'est ça, il n'y a pas fait tant de victimes que ça. Hein. La seule blessure, c'était un adolescent qui a été piqué par une des aiguilles. Et même là, il n'a même pas eu besoin d'aller voir le docteur. C'était une si petite plaie. La police a accusé Smith d'avoir utilisé une substance avec l'intention de causer la mort. Pas de la mort, mais la mort. Des blessures ou une maladie. Donc, on a... C'est d'avoir manigancé pour faire ça, mais finalement... Bon. Il n'y a pas tué personne au moins. Bon. Sinon, mis à part les seringues, les lames de rasoir, le poison, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de bizarre qui a été retrouvé dans les bonbons d'Halloween? Ouais. Que dirais-tu d'un peu de pute? Hein? Un peu de pute. En 2000, les parents ont commencé à trouver quelque chose de bizarre dans dans les bonbons d'Halloween de leurs enfants. C'est des sneakers, encore une fois. On dirait que c'est classique, hein, les sneakers. On fait ça avec des sneakers encore cette année? Ben oui, des sneakers aux petits potes. C'est des Magic Sneakers qu'on appelle, je pense. Donc, emballés dans de la marijuana. La police a sauté sur ce chocolat et rapidement, ils ont réussi à retracer, à suivre les traces de ce chocolat jusqu'au propriétaire. Oui, mais on sait que le chocolat, ça laisse tout le temps plein de traces. Des traces de break. Ouais. Mais la personne, le propriétaire de ce chocolat, était plutôt confus. En fait, c'est que l'homme travaillait... Écoutez bien ça, c'est bien spécial. L'homme travaillait dans le bureau des dead letters. Dead letters, c'est des lettres qu'on n'est pas capable de les envoyer à leur destinataire. Mmh, OK. Tu comprends? Donc, au bureau ça existe de poste, pour vrai, ça? Ça existe. Ça doit être fascinant. Les lettres mortes, moi. C'est pas tellement épeurant, cette musique-là. Non. Donc, il travaillait dans ce bureau des lettres mortes du bureau d'office, du bureau d'office, du bureau de poste, bureau postal, local. Il a trouvé un sac de sneakers dans un des paquets qui était absolument impossible à livrer. Donc, il a ramené ces sneakers-là à la maison parce que, bon, à un moment donné, après un certain laps de temps, tu peux plus vraiment faire grand-chose. Donc, j'imagine qu'ils doivent donner ça à leurs employés. On dirait que c'est comme ça que ça marche. Ou sinon, lui a pris la permission tout seul. Mm-hmm. Donc, il s'est donné à sa famille, mais il n'avait pas réalisé, évidemment, que les bonbons étaient une façon pour des criminels d'amener le pot par courrier sans se faire prendre. Mais ça n'a pas été un succès parce que ça ne s'est pas rendu de toute façon à destination. Si tu veux vraiment, comment on dit en anglais, smuggler du pot, assure-toi donc de marquer l'adresse ben comme oui. il faut. C'est donc bien drôle comme histoire, c'est ça. C'est parfait, ça, je trouve. Ouais. On remercie Snopes, bien sûr, et Mental Floss. Ça finit sur une note vraiment parfaite. J'adore cet article. Voilà pour Arrête avec tes questions qu'on fait ponctuellement, de façon irrégulière, mais si donc bien délicieuse. Un peu comme l'Halloween, ça c'est plus régulier, par exemple. Oui, c'est une fois par année pile. Mais l'achat de mes bonbons, mettons, ça c'est très irrégulier. Ça me rend irrégulier. Ah. Non, sinon, t'es-tu régulier? D'habitude, ouais, je prends mon c'est quoi? C'est quoi le truc orange? Le truc orange. Le truc orange en poudre. Des citrouilles en ouais, poudre. Ouais, c'est ça, des citrouilles en poudre. C'est ça, je prends mon... Métamucil. Métamucil, voilà. Non, c'est pas vrai, je trouve ça dégueulasse. C'est trop dégueulasse. Ben, le but, c'est pas que ce soit bon. Non, ça a eu de chance parce qu'ils n'ont pas réussi si c'était le cas, si c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire. Donc, voilà, c'est dit, c'est fait. On passe en musique à une chanson très appropriée pour l'Halloween. Voici Die Mannequin, parce que moi, je les appelle Die Mannequin, tu comprends? Voici Sucker Punch, tout de suite, à Assemblage Rocky. Ça, c'est fou. Just a girl you know. Here I stand for your private show. I'm just a girl is strange. From myself, have you acted straight? I'm not the girl who you once loved. So my innocence out to rest, but baby I'm still the girl you know can overcome and I can overthrow. Yeah. Always gonna take what's mine away. Always gonna stay where you can't. The Mannequin et la pièce I'm Just a Girl. Assemblage Ricky, on prend une pause. Et au retour, c'est ça existe ou ça ne devrait pas, on l'a. On va s'acheter des gadgets sur Internet. Et il y a des gens de faire qui sont pas achetables, fait qu'on va juste se créer des attentes. Et être déprimé après. Fou de spectacle. Spectacle, spectacle. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 29 octobre. Il nous reste que quelques jours en octobre. C'est fini vendredi. En octobre. En octobre, cette histoire-là finit un vendredi avec Halloween. On sera pas là le jour de l'Halloween, c'est dommage. Ben non, c'est-tu plate, hein? C'est-tu plate. Pourrait pas être déguisé à la radio. Aïe, ça gauche-tu tout. N'importe quoi. Tiens, on n'achètera pas trop de déguisements dans Ça existe, parce que je pense qu'il est un peu tard pour ça. Ouais, on n'aura pas le temps de les recevoir. De toute façon, on devrait plus regarder les trucs de Noël. Ah oui, si on veut. Voici Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des choses qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. Ou pas, ça dépend. Mais celui-là, tu pourrais vraiment le regretter si tu l'achetais. C'est la confiance liquide, Liquid Trust. C'est une petite bouteille dispendieuse de spray corporel qui contient de l'oxytocine, tu connais. C'est fait pour que les gens aient confiance en toi quand ils te sentent. Oh boy, je pensais que c'était du Axe qui faisait ça. Peut-être aussi, peut-être que ce serait plus efficace parce que... Moins cher, en tout cas. Parce que l'oxytocine, ça fonctionne pas du tout. C'est pas très, très volatile dans le sens que ça passe pas du liquide à une phase gazeuse. Et ça prend pas de... Ça se disperse pas dans l'air. Et toi-même, tu ne vivras pas d'effet par rapport à l'oxytocine parce que ça s'absorbe pas par la peau. Ça sert donc absolument à rien. C'est Liquid Trust. Mais on vous vend ça sur Internet, sur Amazon, entre autres, pour 30$ la bouteille de un quart d'once. C'est de la mort! C'est n'importe quoi. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, quand tu vas en voyage, Steph? Oui? Tu vas souvent régulièrement en voyage, hein, on sait. Ben oui, ben oui. Et tu ramènes peut-être des fois des petites bibittes, là, genre des puces de lit. Oui, toujours. Toujours. C'est ta passion de la vie, d'apprivoiser, de faire une communauté de petites puces de lit. Mais les bagages Thermal Strike Heated Luggage promettent d'être les seuls bagages au monde à tuer les puces de lit pour ne pas s'en ramener à la maison. Ouais, ben tu sais pas toujours quel hôtel éviter pour pas avoir finalement de puces de lit. Ouais, surtout quand tu réserves à distance, tu sais pas nécessairement. Tu le verras pas. Tu peux aller voir dans les critiques des fois sur certains sites, mais bon, des fois ça peut être rempli de critiques écrites par l'hôtel. Ou les gens qui travaillent à l'hôtel, t'sais. Donc, les bagages Thermal Strike sont faits de polycarbone pratiquement indestructible avec une poignée en aluminium, des trucs pour les coins pour être vraiment sûr de ne pas briser ça. Et il y a une barrure, un truc à barrer, approuvé par la TSA, là, ceux qui s'occupent des lignes aériennes aux États-Unis. Il y a aussi des roues qui tournent sur 360 degrés, donc c'est facile à manœuvrer. Donc vous allez pouvoir tuer vos puces de lit et d'autres insectes qui essaient de revenir à la maison ou chez vous en branchant le bagage dans une prise de courant, tout ce qui est plus traditionnel. Et ça va commencer, ça va démarrer un processus de chaleur à infrarouge. OK. Et quoi, mais ça amène la température à 140 degrés Fahrenheit pour tuer tous les insectes. Avec tout ton contenu, là, avec tout le contenu de la valise. Ben en fait, je pourrais te conseiller de vider ta valise, faire chauffer ton affaire. Puis peut-être qu'avec tes vêtements dedans, tu devrais peut-être... Ouais, des fois que tu aurais eu des puces de lit après tes vêtements. Ben c'est ça, oui, je veux dire, ça donne rien si tu mets, si tu le fais avant. Tout à fait. Puis que tu te rends tes vêtements, sauf que tu as peut-être autre chose que des vêtements qui vont pas à température élevée comme ça, là. Tout à fait. Ton shampoing, des affaires comme ça. Je sais pas. Ton iPod. Ouais, mettons. Ça aime pas la chaleur, cette histoire. Donc, Thermal Strike Heated Luggage est disponible en format 20 pouces pour 199$, 24 pouces debout pour 250$ ou un emballage d'ensemble des deux à 400$ chez Thermal Strike Heated Technologies, thermalstrike.com. Ben, coudonc. Eh ben. Ensuite, détecteur de mensonges. Hey. Hein? Je sais pas si t'as oublié, mettons, de la pâte à biscuits dans ta valise. Ah oui, 140 degrés Fahrenheit, c'est pas grand-chose. Hein. Non, mais ça va finir par cuire. Sur une longue durée. Ouais. Je sais pas, une dinde peut-être. Une dinde. Oui. Tu mets une dinde. Hé, hey, justement, j'ai une histoire de dinde à te conter. Quand même, je suis toujours prêt pour une histoire de dinde. Ça parle de moi. C'est pas vrai. Non, c'est mon copain hier qui me racontait ça. Il y a une de ses collègues de travail, en plein après-midi, elle est repartie chez eux à la course en panier. Le matin, elle avait mis un poulet au four à 400. Et à 2h l'après-midi, elle s'en est souvenue puis elle l'avait oublié dans le four. Et? Mais ça devait être comme vraiment très cramé. Elle cramé. Dit, j'ai failli passer au feu. Ah, wow. Imagines-tu le petit poulet à 400 depuis probablement 7h le matin? Aïe, mais quelle idée de partir un poulet à 7h le matin. Ben, elle dit qu'elle n'a pas le temps de faire le souper le soir, donc elle voulait cuire son poulet le matin. Oh, oui, c'est... Mais elle l'a oublié. Oh, pauvre. Oh, ouais, oh. Vraiment. Pauvre petit poulet aussi. Ouais, oui, vraiment. Sans défense, littéralement. Donc, ne pas oublier de poulet dans sa valise. Mais ça peut comme braiser longtemps. C'est pas ouais, bon. Ça. Tu pourrais fait peut-être... À 140, ouais. Mijoteuse, peut-être. Tu devrais faire une fonction mijoteuse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un détecteur de mensonges, Steph, mais pour la maison. Oh non, non, non, non. Ah non, non, hein, tu veux pas savoir la vérité. Hein. Je pense que c'est non, mieux comme ça. Non, non, non. Moi, ça me dérange pas de savoir la vérité. Je peux pas te dire. Mais je veux pas nécessairement passer le test. Donc, ça utilise les mêmes principes que les polygraphes que la police utilise. Donc, le battement de cœur, la conductivité de la peau comparé à un baseline, c'est-à-dire la, traditionnellement, quand t'es pas stressé ou quand t'es pas dans cette situation de mensonge. Alors, ça peut te dire à peu près avec le même degré de précision, nous dit-on. Si la personne ment ou pas. L'appareil doit être connecté à un PC ou à un Mac pour fonctionner, mais malheureusement, ça coûte un beaucoup trop élevé, 400$. Ben, pour savoir la vérité, malgré que c'est pas assuré à 100% non. Avec ce genre de machine-là. C'est ça, et si tu veux savoir la vérité, tu vas au talk show américain Maury pour savoir... T'as pas vu ce talk show-là? C'est non, que des détecteurs de mensonges. Pour vrai? À chaque jour, c'est des tests de comment t'appelles ça? Savoir si le père est le. Si un homme est le père de. L'ADN. Le test d'ADN, genre. Ouais. C'est ça, puis des détecteurs de mensonges, puis des affaires de mensonges. C'est ridicule, ouais. C'est Maury, c'est tellement mauvais. C'est moron. C'est moron, exactement. Tiens, parlant de moron, je suis sûr que Maury aimerait bien ce sac de thé. Ok, c'est ça. Une poche de thé. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé. C'est comme une obsession, là. Ben, Internet a une obsession, je te dirais. Il y a quelques semaines, il y avait un sac à dos en forme de scrotum avec les poils qui dépassaient. On fait la même chose avec une poche de thé, sauf que là, il n'y a pas de poils qui dépassent, malheureusement. Ben, donc, malheureusement, c'est fun, tu peux te tremper à la poche. C'est littéralement une façon de se tremper à la poche pour 2,99$. Mmh. Ouais, ça dit pas pour combien. Ah ben là, j'en veux. Ouais, mais ça. Mais ça semble réutilisable. Est-ce que c'est moi qui imagine c'est, ça? Non, ben non, t'as bien raison. C'est un sac de coton non bleaché, pas javelisé. Javelisé. Alors, fait de coton naturel, facile à nettoyer. Donc, c'est un sac pour 3$ réutilisable avec une petite corde en haut pour attacher le tout. Présentement, c'est hors de stock sur Amazon, malheureusement. Je savais que ça pognerait. Ben voilà, ça a pas le choix. Une poche de thé. Et boy. Ensuite, tu te rappelles de notre chroniqueur, en fait, tu t'en rappelles, il existe encore, il vit encore, donc tu sais qu'il existe. C'est Charles-Antoine Rioux qui fait des chroniques plein air. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y avait une activité de slackline du plein air, écoutez, hier, il y a quelques semaines de ça. Si tu veux répéter l'expérience à la maison, tu peux t'acheter le backyard slackline. Ah! Travailler sur votre équilibre, c'est des cordes qu'on attache, ben pas des, ben ouais, des cordes si on veut, qui s'attachent entre deux arbres ou deux trucs verticaux. Ben, idéalement des arbres, là. Faut quand même que ça supporte ton poids, là. Ouais, si c'est des pancartes d'arrestop, mettons, ça, wow. En deux coins de rue, ça ne sera pas très stable, ce soir. Donc, c'est pour votre cour arrière, bien sûr, et on attache ça des deux côtés. On peut pas le mettre dans la cour avant? Ouais, je te le permets. Merci. Ça fait plaisir. Donc, il y a des cordes flexibles, mais quand même rigides pour utiliser votre équilibre et peut-être même l'améliorer pour $59.82. Voilà. Ensuite, ta carte de crédit, Steph, des fois, ça peut arriver que des chaînes de magasins comme Target, il y a quelques années, avaient été victimes d'un hack. Et il y a des numéros de carte de crédit qui avaient fuité et tout ça. Ça avait fait la controverse aux États-Unis. On a peut-être moins entendu parler au Québec parce qu'ils étaient en train d'ouvrir les magasins. J'avais pas entendu parler de ça. Disons que t'en parles pas quand t'ouvres des magasins. Mais bon, il y a des brèches de sécurité qu'on appelle. Ça arrive à tous les jours. Mais est-ce que ta carte de crédit se fait voler ou se fait justement attaquer ou prendre ton numéro sur Internet, etc., etc.? Quelqu'un le vole, je sais pas. Peu importe comment, remplacer ta carte et ensuite rétablir tes comptes avec la nouvelle carte de crédit, ça peut être assez compliqué. Je l'ai fait cet été, changer de carte de crédit. C'est vraiment compliqué, c'est long. Ouais. C'est très long. Bref, Final simplifie la chose. Cette carte de crédit sans numéro physique à l'avant, à la place, ils vont créer des numéros, des chiffres, des nombres, des numéros, comme ça, pas au hasard, là, mais on the fly, sur le volet, peu importe comment vous appelez ça, avec chaque marchand avec qui vous faites affaire sur Internet, donc vous allez avoir le contrôle vraiment de vos paiements. Si les numéros des cartes de crédit utilisées chez le marchand sont fuités, Fylon va de toute façon remplacer le numéro avec un autre. Ça vous permet aussi de mettre une limite par mois, donc une limite mensuelle par marchand. Donc, disons que vous ne voulez pas dépenser plus que 100$ chez Target, ben vous n'allez pas dépenser plus que 100$ à moins d'avoir une autre carte de crédit ou une carte de débit. Hein? C'est bien. C'est ça. Il ne faudrait pas me sous-estimer dans ma dépense d'argent. et vous pouvez aussi annuler des numéros comme ça quand vous le voulez. Et créer des numéros à utilisation unique pour un seul achat en ligne. Mm-hmm. Et ça fonctionne bien avec les portefeuilles en ligne comme PayPal et autres. C'est cool. Ça s'en vient début 2015 sur GetFinal. Le prix n'est pas encore annoncé, mais GetFinal.com. Il y a une photo de la carte. En tout cas, j'imagine de quoi elle va avoir l'air. Ou c'est pas. Vraiment artistiquement beau. On dirait des montagnes colorées pastel, rose, bleu, gris, noir. C'est joli. Avec juste ton nom dessus, une puce et le logo de Final. Ouais, tu peux pas avoir de chiffres, ton numéro change, c'est cool. Pas de chiffres, c'est génial. Ensuite, les riches, des fois, se cherchent des choses à acheter. Une brosse à dents à 4 000$ pourrait être un bon achat pour eux. 4 000$? J'espère que celle-là, t'as pas besoin de la changer aux 3 mois. Non, en fait, non, bon point. Donc, c'est la Rhinest Luxury Toothbrush, une brosse à dents super hygiénique qui est faite pour durer 4 ans. Ben, quand même, c'est 1 000$ par année. Genre. Donc, c'est pour les gens qui sont capables de dépenser sur un produit comme celui-là, un produit qu'ils trouvent beau, selon le Chief Technology Officer de Rhinest. C'est vrai que c'est beau, par contre. C'est très joli. C'est un genre... en fait, c'est comme un chromé un peu. Chromé brossé. Chromé brossé, soit doré, argenté, rouge ou noir dans les couleurs. Donc, je dirais bronze, moi. Plus que doré? Non, le rouge. Ah, le rouge, dit. OK, excuse-moi. Ouais, c'est plus comme bronze. Ouais, genre, ou sinon un orange brûlé, mais peut-être bien un bronze, en effet, ça serait encore plus luxueux. Ben oui, c'est bronze. Donc, les brosses à dents qu'on jette tout le temps, je cite ici les gens qui ont fabriqué cette brosse à dents-là, nous voulions créer quelque chose qui allait durer longtemps, qui était luxueux, en plus d'être fonctionnel, bien sûr, ce sont les buts que nous avions en tête. Donc, ça coûte 4 000$ pour une brosse à dents qu'on va juste utiliser 2 fois par jour pendant peut-être 2 minutes chaque, mais bon, pour les riches, hein, c'est comme ça. L'art du pixel, Steph. Oui. C'est joli. Oui. Tout ce qui est 8 bits, 16 bits, aussitôt qu'il y a plus que 2 bits, c'est parfait. donc, si vous êtes intéressé à vous-même faire de l'art avec des pixels et que les post-it, c'est pas assez pour vous. Hein? C'est pas assez pour vous. Ben non, mais il n'y a pas assez de couleurs. Ben voilà. Donc, c'est le 1x1, 1x1. C'est un ensemble d'autocollants de couleurs qui ont été pré-coupés en petits carrés. Tout mignon et tout petit. Donc, chaque boîte de 1 par 1 contient 36 couleurs différentes, chacune avec 400 carrés. Wow! Mais c'est des tout petits carrés. Donc, 400 carrés de 36 couleurs différentes, sauf pour le noir, qui lui a 800 carrés, donc le double. Bien sûr! Ça vous donne 14 800 carrés dans une seule boîte de 1 par 1. Et si vous allez sur assemblagerequis.com, il y a une image que tu vois toi-même, Steph, sur un mur. Tout ça, il y a comme 2, 4, 6, 8, 10 personnages. C'est écrit avec les 14 800 blocs. C'est malade. C'est super. Mais ça beau. Prend beaucoup, beaucoup de talent pour faire ce genre de personnage-là. Avec des petits carrés comme ça, il faut vraiment savoir où tu t'en vas. Là. Du temps et du talent et peut-être des templates trouvés sur Internet de Pixel Art pour pouvoir reproduire ça. Donc, les autocollants un par un peuvent être utilisés sur plusieurs matériaux, dont le bois, le plastique, la vitre et le métal. C'est aussi résistant à l'eau, facile à enlever et ça ne laisse pas de résidus derrière. C'est sur Kickstarter pour 30$ une boîte de 1 par 1 avec encore une fois 14 800 autocollants comme récompense. Allez, ça, je serais vraiment intéressé à acheter ça. C'est, je pense, c'est tellement de la belle décoration. Ouais, ils sont rendus à seulement 9 657 sur 50 000. Donc, on devrait aller les aider. Il reste encore un peu de temps. Attends un petit peu. Ah, je regrette de vous annoncer qu'en date de maintenant, le projet est annulé. Parce que ça n'a pas réussi à se rendre sur Kickstarter à son montant. Oh non! Mais ça veut jamais rien dire. Ça pourrait facilement revenir. Ça pourrait revenir avec peut-être un autre prix, peut-être moins cher que 30$. Peut-être que les gens ne sont pas prêts à payer 30$. Il y a plein de raisons et ça mais pourrait revenir. Mais voyons donc, as-tu vu la quantité de personnages que tu peux faire pour 30$? Oui. Mais c'est que les gens peut-être savent qu'ils n'ont pas de talent là-dedans. Mais tu te débrouilles puis justement, tu vas chercher des templates. Exact. Mais ne perdez pas espoir, ça pourrait revenir. Eh, Seigneur! Ah, les gens, des fois. Ensuite, les blocs Lego, Steph. Ouais. Tu sais, on aime les pixels parce que c'est cool de faire des formes avec des blocs, mais des blocs Lego, c'est aussi du pixel art quand on y pense. Ben oui, ben oui. Donc, on peut acheter des blocs Lego en plusieurs couleurs, mais c'est souvent des couleurs de base, là, blanc, bleu, rouge, vert, jaune. C'est des histoires, je veux dire, c'est simple, c'est facile. Ouais, ouais, ben oui. On veut des blocs dorés. Oh. Des vrais blocs en métal doré, Steph. Oh. C'est du bling bling, shiny people, tout ça pour donc 15 000 $ de blocs. Et dans le temps, on avait parlé de ça, des briques de Lego à 15 000 $ c'est pas ça en ce moment, mais on a déjà parlé de ça. C'était des grosses, grosses, grosses briques. Plaquées or, 24 carats. Fait, bon. Mais celles-ci ici, sont faites de solide métal et non pas d'or. C'est juste plaqué or, 24 carats. Je pense que je suis dans le désordre. Les briques à 15 000 $ étaient vraiment, je crois, faites en or, je crois. Oui, parce que ça vaut pas 15 000 $ C'est ça. Celles-ci sont en sont plaquées or, 24 carats, faites de métal solide. C'est pas des blocs Lego officiels, sauf qu'ils sont compatibles avec les blocs Lego que vous avez déjà. Un emballage de 8 briques. Ça va quand même coûter seulement 25 $ chez ThinkGeek. C'est aussi disponible en version plaquée chromée à place. Ah. Donc, vu que c'est fait de métal, on se demande la pesanteur de ces blocs-là et la compatibilité avec les autres blocs Lego. Si on fait des maisons et qu'on met le doré sur le dessus, est-ce que ça va tenir? Ça, on ne sait pas. Ben à vous oui. de voir. Ben oui. Ben oui, ayez confiance. Donc, 8 briques, c'est le Executive Building Brick Set chez ThinkGeek. Voilà. D'ailleurs, dans l'image sur assemblagerequis.com, 5 ensemble ont été utilisés... Donc, pour créer les deux constructions, la construction de droite, 5 ensemble. Donc, c'est quand même une petite tour avec une antenne sur le dessus. Et l'autre, c'est un robot qu'ils ont créé avec la version C'est chromée. Parfait, ça, pour faire un robot. Ben oui, super. Hey, avec ces couleurs-là, tu pourrais même faire R2-D2 puis C3PO. Le couple parfait. Wow. Wow. Ensuite, pour les jeunes enfants, les petits bébés, il faut bien les amener dans le présent millénaire. Hein? Parce que le présent millénaire et la présente décennie, c'est la décennie des selfies. Hein? Ouais. Et là, les parents prennent des selfies de leurs enfants, pas ça sur Facebook, mais est-ce que l'enfant peut avoir lui-même le contrôle sur ses selfies? Hein? Je sais pas. Ben oui, en fait, ouais? Je te réponds à ça, oui. Ah ouais? C'est Newborn Fame. C'est un jouet pour enfants qui permet à votre bébé de prendre des selfies et de les uploader sur un média social, sur un réseau social. Mais avant que tu te dises, je veux acheter ça, ben non. C'est seulement un concept. C'est je ne peux pas acheter ça. On peut pas acheter ça. Donc, c'est une balle à selfie et le bébé prend des photos par accident. Et les photos sont envoyées sur une page Facebook. En fait, c'est un mobile avec l'oiseau Twitter et le logo Facebook. C'est ça. C'est un petit mobile dans sa bassinette. Non. Donc voilà, et comme je dis, c'était seulement une blague ironique et seulement un concept. Mais le créateur disait que c'était une réaction aux parents qui font tout le temps des mises à jour de leurs enfants sur Facebook. Des mises à jour de l'enfant? Au sujet de leur enfant. Plusieurs téléphones... T'es rendu à quel iOS sur ton bébé, toi? Ouais. iOS 4 ans. iOS 5 ans. Plusieurs études de téléphones cellulaires offrent de la protection. Certains vont ajouter une batterie, une pile additionnelle, peut-être même de la mémoire, des gigs de plus. Mais Wireless Me, vous offre un autre téléphone cellulaire. C'est le TalkCase pour iPhone et Android qui vient avec un petit téléphone GSM de la grosseur d'une carte de crédit à l'intérieur de l'étui. Là, tu vas me dire, mais c'est complètement ridicule. C'est qu'on peut envoyer et recevoir des appels et des messages textes sur ce petit téléphone parce qu'il a sa propre carte SIM, ce qui est parfait pour les gens qui ont plusieurs numéros de téléphone. Donc, un numéro pour affaires, un numéro personnel. Tu utilises le petit téléphone pour une des deux raisons. Pardonnez-moi. Donc, c'est ça. On l'utilise un petit peu comme un appareil Bluetooth. Ça pourrait être utile pour les gens qui veulent pas non plus avoir à sortir leur téléphone de leur poche. Bien sûr, les compagnies de téléphone chargent pour les cartes SIM de nos jours. Mm-hmm. Donc, des fois, il va falloir payer deux fois. Mais bon, une fois que la carte est payée, c'est plus même compliqué après ça. Ça va utiliser le même forfait, j'imagine. C'est une carte SIM. Le forfait, c'est la carte SIM, à ce que je sache. Donc, pour pouvoir sortir votre gros téléphone iPhone 6 Plus de votre poche, voilà. Donc, c'est mini-téléphone dans votre étui. On demande 29 $ sur Kickstarter pour recevoir le TalkCase comme récompense. Allons voir si c'est terminé, s'ils sont rendus. Il reste encore 22 jours. Ils sont à 66 000 sur 60 000. Donc, ils ont réussi. Bravo. Ah! Tu sais, ça marche. Puis les post-it, ça marche pas. Alors que ça m'intéresse pas du tout. Pas en tout. Moi non plus. Ensuite, à la maison, vous voulez vous ouvrir un petit bar. Tout le monde a le rêve d'avoir un bar à la maison. Bien sûr. Mais à la place d'avoir un bar, faire construire tout ça, ça deviendrait cher. Allez-y juste avec le Rack and Pour Liquor Dispenser. C'est un gadget qu'on visse sur le mur et qui utilise vos bouteilles versées à la verticale à l'envers. Et qu'après ça, ça devient un petit peu comme un genre de fût cheap, je trouve. Ça a l'air d'un fût cheap pour 199$. Donc, c'est pour économiser de l'espace avec vos bouteilles de liqueurs spiritueux et autres esprits. On dirait que j'aurais peur que ça y ait une fuite. Moi aussi, on dirait, pour vrai, ça a l'air trop cheap. Pour 200$, on dirait. C'est comme du plastique, on dirait. On dirait que tu dévisses en affaire. C'est même pas un fût comme avec un... Ouais, ben non, tu peux pas faire ça avec... En tout cas, mais 199$. Ensuite, c'est le Tether Cell. Ça, je trouve ça vraiment parfait. Tu sais, des fois, tu manques... ça combine deux affaires en même temps, je pense. OK. Tu sais, des fois, tu manques de pile 2A. Tu as juste une pile 3A dans le coin, OK? Donc, tu peux remplacer. C'est un appareil de la forme d'une pile 2A. Et tu mets ta pile 3A dedans. Là, donc, tu remplaces ta pile 2A par une pile 3A. Mm-hmm. Mais ça va plus loin que ça parce que c'est une pile intelligente. Hein? Une pile intelligente parce que ça devient une télécommande. Attends un peu, c'est ça. Ça devient une télécommande. Dans le fond, dans votre application de votre téléphone cellulaire, il va y avoir une façon d'éteindre la batterie à distance. Okay? Donc, tu vas te connecter via Bluetooth à ta batterie 2A avec une pile 3A dedans et tu peux l'allumer et l'éteindre à distance. Que ce soit dans une télécommande de télé, une lumière, une lampe, les jouets de tes enfants, peu importe. Donc, tu remplaces les batteries par ça et tu peux les éteindre à distance. Comme ça, ils vont pouvoir arrêter d'utiliser leur gadget quand tu veux pas qu'ils l'utilisent. Mais c'est donc bien cool! C'est très cool. Tu peux mettre des horaires, des minuteurs. Tu peux recevoir des alertes lorsque les batteries sont proches d'être vides et même localiser des objets que tu as perdus. C'est donc ben malade! Tether Cell. Ça coûte combien? Ça coûte 40$ sur Amazon. Ah, c'est pas si cher que ça. Non, c'est ça. C'est sûr, c'est 40$ pour un, j'imagine. Exactement. Donc, après ça, si tu veux le faire avec plusieurs objets, ça vient quand même assez dispendieux, tu mais... Tu le prix pas mal. Un de temps en temps. Je trouve ça génial. Ouais, dans c'est temps, vraiment une très, très bonne idée. Pour le contrôle à distance, s'il y a une batterie qui marche pas, c'est deux, ça va arrêter le gadget de toute façon. Donc ben mettre... oui, c'est ça. T'as pas besoin d'en avoir deux, trois. Là. T'as juste besoin d'une pile comme ça par... Par appareil. C'est ça. J'allais dire par slot, mais c'est pas ça du tout. Non. Même s'il y a trois slots, tu peux en mettre rien qu'une. C'est pas parce qu'une slot qu'il faut que tu mettes quelque chose dedans. Non, c'est ça. Tu peux juste en remplir une. Pas besoin de remplir les trois. Les crayons de plomb. Qui sont pas vraiment de plomb. Non, mais les crayons de plomb, en général, c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup de nos jours. Trouves-tu? Les crayons à mine. Parce qu'il y a pas de plomb dedans. Excuse. C'est une fausse appellation. Il n'y a plus de plomb dans les crayons à mine. Ah, excuse-moi, j'étais pas au courant. C'est juste pour ça. Non, c'est super toxique, le plomb. Ah, pour vrai? Oh, oui, c'est du graphite. Ouais, du graphite. C'est vrai. Ouais, donc, je suis sûr que tu le savais puis que c'était juste en fait, trop loin je dans ta tête. Je le savais pour les stars. Ben non, mais il y a du plomb dans le temps. Des stars. Ouais, dans le temps. Ouais. Ben, je sais qu'ils en mettent plus comme. Ils essaient de pas en mettre nulle part. Tu sais, les petits soldats. Voyons. Les petits soldats de plomb. Ouais. Tu jouais pour les enfants, ouais. Là. Il y en a plus c'est parce placé. Que c'est dangereux. Tu te mets ça dans la gueule, puis tu meurs. Ils faisaient vraiment pas assez de profit sur ça, probablement. Du plastique, c'est tellement moins cher, j'imagine. Mais bref, ça. Les crayons à mine de graphite ne sont plus super gros utilisés. Hein? Ben non, il y a personne qui utilise ça. Mais lorsque vous en avez un, vous avez besoin d'une efface. C'est vrai? Ouais. OK. Et tant qu'à avoir une efface, c'est bien jouer au football avec. Au baby-foot. Hein? Ben oui, c'est des petites effaces qu'on attache au bout de ces crayons de graphite. Et ça devient une partie de football avec une boule de papier ou peu importe. Donc, c'est vraiment des petits bonhommes pas de bras qu'on insère le crayon dedans. Et on joue à faire tourner le crayon pour jouer au football. Mais c'est parfait, ça! Mais ça me rappelle ma sixième année. Ouais. Il y avait un de mes amis, là, il était assis en avant de moi, puis il se virait tout le temps, puis on jouait au soccer avec nos effaces, nos crayons. C'est génial. Wow. C'est une compagnie de design, Peleg Design, qui a inventé ça. Ensuite, ça, c'est vraiment inutile. Et si vous achetez ça, vous avez vraiment beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres. C'est des élastiques en forme de cube. Hey. En fait, c'est des élastiques en cube, comme tu peux voir sur la photo sur assemblagerequis.com. Pensez à un cube transparent en filet, en genre de petit fil, genre en 3D. Ouais, tu sais, imaginez quand on dessine un cube, ouais. Là, ça ressemble à ça. Mais c'est de l'élastique tout le tour et ça reprend tout le temps sa forme. Donc, je sais pas où tu mettrais ça. Tu attaches quelque chose avec, ça s'étire parce que c'est de l'élastique. Mais quelque chose de rond, déjà, ouais. C'est pas pire. Comme un crayon de plomb. J'imagine un paquet de cartes, ça pourrait être super l'idéal. Ouais. Vraiment. Wow. Et donc, quand tu l'enlèves, de là, ça reprend sa forme de cube. Et c'est donc facile à trouver dans un tiroir, entre autres, comparé à un élastique qui va se perdre dans le lot. 10$ pour 3, 20 mm par côté. Ouais, le problème, c'est que c'est un peu cher, étant donné que c'est pas quelque chose auquel on fait vraiment attention, nos élastiques. Pas tant. Tu sais, ça se perd facilement. Là. Dans un coffre à crayons, c'est vite, vite perdu. Puis en plus, payer ce prix-là pour quelque chose qui se désagrège avec le temps. C'est vrai, ça. Fait, j'imagine que t'as déjà attaché quelque chose, ça reste dans des armoires pendant des années, puis ça, le caoutchouc finit par fondre et fusionner avec l'objet. Oui. Donc, moi, je tiens pas à gaspiller autant d'argent pour quelque chose qui va se désagréger. En studio, on a des élastiques après nos micros pour tenir le micro après son socle. Tu vois qu'ils sont en train de prendre la mort de mon côté. Ils sont tellement rendus poreux. Oui, oui. Je pense qu'en y touchant, ils éclateraient. Un jour, ça va arriver en onde, mais on n'est pas du genre à prévoir ça à l'avance. Ah, j'ai même pas le goût que ça me pète dans la face. On est supposé les huiler. Ah, genre, ouais. C'est liquide, quelque chose de spécial. Mais bref. Ensuite, dans les Simpsons, Steph. Ouais. Les Simpsons, le dessin animé, Matt Groening, tu connais. Ils ont un dépanneur qui s'appelle le Cookie Mart. Bien sûr. Aimerais-tu avoir un sac réutilisable pour l'épicerie de Cookie Mart? Ben oui, mais j'aimerais ça. Tu pourrais t'acheter de la Duff, des beignes et un paquet d'affaires comme Homer Simpson. Donc, montrez votre fierté pour Springfield, envers Springfield, avec ces sacs réutilisables pour tous vos besoins de magasinage pour 8,03$ par sac. Un peu cher. Ouais, un peu. Hein. Ils ont pas l'air très, très épais. On voit au travers, je trouve. Je serais du genre à l'acheter pareil. Sûrement, parce que c'est peut-être hot. Pas le commander, mais si je le croisais, je l'achèterais. C'est vrai, ça. S'il y avait ça dans un magasin quelconque, on se lancerait dessus. Voilà pour la première partie de Ça existe. Ouais, je pense que ce serait le moment d'arrêter pour une petite pause et prendre une deuxième partie plus tard. Hein. Parfait, ça. On fait l'heure au complet sur Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On va continuer en musique. Précédemment dans l'émission, on a écouté une pièce de The Mannequin. C'est pas celle qui était sur le palmarès. Là, je vous présente celle qui est sur le palmarès. C'est Sucker Punch. The Mannequin, tout de suite. 89 FM, c'est fou. Touch, just shut your mouth. Go ahead before. Mannequin et Sucker Punch sur l'album Neon Zero à Assemblage Rookie. Au retour, une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. À Assemblage Rookie, mais pour l'instant, c'est l'info qu'on peut le savoir. C'est fou. 89 ans. Yeah. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc c'est la prochaine portion d'Assemblage requis, je vais dire deuxième heure, parce que littéralement, c'est la deuxième heure qu'on est live, mais en même temps, c'est comme la troisième heure, si on compte la programmation régulière de 6h30 à 7h30. S'il y en avait une. Si, c'est ça, s'il y en avait une, mais il n'y en a pas eu. C'est vraiment la deuxième heure. C'est vraiment la deuxième heure. C'est mêlant, cette histoire-là, mais il est quand même 8h37, ça, c'est vrai. On est le mercredi 29 octobre, elle est Stéphanie Paradis. Ça aussi, c'est vrai. Stéphanie Paradis. Toi, c'est Mathieu Plante. C'est totalement vrai. C'est vrai. Que de vérité. Ouais, c'est ça, on sait pas. On est-tu réveillé? Ça, je ne sais pas. Mais on s'appelle quand même avec nos noms communs et propres. Très propres. T'as un tourbillon dans le toupet. Ouais, je sais, je m'en suis rendu compte. Juste une genre de couette qui dépasse par en haut, ça n'a pas rapport. Bon, on était dans 5 semaines, ça ne devrait pas être là, donc une deuxième portion à l'instant. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique, il y a des gadgets qu'on achète sur Internet. Ce qui rime avec Internet, c'est le mot toilette. Hein? Ouais. Oui, par hasard, je crois. Et, ouais, pas mal par hasard. Quand tu vas aux toilettes en plein milieu de la nuit, tu sais, il faut que tu ailles faire pipi. Tu as une décision quand tu es un gars. Avec, oui, avec un j'imagine que tu vas te dire s'asseoir ou faire ça de visu à l'instinct. Ben, ouais, genre, ben, c'est moi. C'est soit de visu à l'instinct ou je trouve allumer la lumière et avoir de la difficulté à dormir après. Ouais, c'est ça. C'est pas agréable d'ouvrir la lumière quand t'étais dans le noir. Puis là, vraiment tu fermes la lumière, tu vois plus où tu t'en vas. Hey, anecdote l'autre soir, ok, je me couche à genre. Devait être probablement 1h du matin, ok. C'est un soir d'impro, probablement, j'imagine. T'sais. Puis après ça, je me suis réveillé dans la nuit. Puis j'étais malade, c'était mon début de rhume. Ok, c'est pas parce que t'avais trop bu. Non. Ben, j'avais trop bu, en effet. J'avais mal à la tête, etc. Mais ça n'a pas rapport avec l'histoire. Mais je suis allé chercher un verre d'eau pour prendre des Advil pour calmer le tout au complet. J'ai échappé mon verre d'eau à terre. Il a cassé. Oh. Vite partout, haut partout, parce qu'il était plein. Il était 4h du matin. Je m'étais couché à genre 1h, puis je me levais à 6h. J'avais pas vraiment envie de prendre le temps, je te dirais. Fait non, j'ai comme laissé dans... là. Hein? Mais là, j'espère que t'as protégé ton chat. Ben, en fait, j'ai enlevé les gros morceaux et j'ai passé moi aussi, mon point est exactement ça. J'ai pensé à mon chat en premier parce que je savais que je ne repilerais pas dessus. T'sais. Mais donc, j'ai ramassé les gros morceaux. J'ai pris un linge à vaisselle pour ramasser les plus petits moyens morceaux. Puis la majorité de l'eau, je me suis dit, je vais ramasser le reste en passant à balayeuse demain. Ouais. T'sais. C'est moi, je pense que j'aurais amené mon chat avec moi dans la chambre, j'aurais fermé la porte. C'était dans la chambre que ça s'est passé. Oh, sais. T'as fait ça dans la chambre? Ouais. C'était mon verre d'eau d'à côté de lit pour prendre mon Advil. Ah, d'accord. Ouais. C'était une anecdote. Moi, j'aurais eu peur de me réveiller le lendemain matin et de piler dedans parce que j'ai oublié. À l'endroit où c'était, je me suis dit qu'il n'y a pas de chance que je pile là. Sauf qu'étant donné que ça a éclaté, peut-être qu'il y a des bouts de vitre genre qui sont allés ailleurs, puis peut-être même dans mon lit. Fait que j'avais déjà un petit peu peur. Mais bon, c'était pas le moment de passer l'aspirateur. T'as fait un fakir de toi-même. C'est ça, 4h du matin, c'est comme, je peux juste dormir les 2 heures que j'ai le droit de dormir avant d'animer une émission matinale en pièces détachées. Ah, bon, ce qu'on ferait pas pour notre public, hein? ensuite, donc, on était en train de parler de... On parlait de toilette de nuit. De l'option, soit de... pisser n'importe comment ou encore ouvrir la lumière. Ou t'asseoir. Il vous faut l'Illumi Bowl. C'est une combinaison de détecteurs de mouvement et de lumière LED brillantes de différentes couleurs qui vont s'allumer aussi qu'on entre dans la salle de bain. Attends, là. Ils sont où ces lumières-là? Ces lumières-là sont après un petit gadget qu'on installe dans la bol en tant que telle. Donc c'est la bol qui allume. Ben en fait, la photo nous montre la bol s'allumer. Ça dit que ça se clippe à quelque part, mais je ne vois pas où c'est clippé en ce moment. Je crois que c'est sur le côté. Il y a comme un truc qui ressemble à une affaire de liquide bleu là, qui se verse seul en toilette. Tu accroches après le bol en tant que tel, la bol. Donc ça a l'air de se coller là, je crois. Ça demande aucune installation. Ça fait que se clipper sur la bol. Donc, ça va cycler à travers les couleurs, faire un cycle, donc rouge, bleu, vert. Ça va s'éteindre après une minute s'il n'y a pas de mouvement détecté. Et c'est seulement 15$ sur Kickstarter. Hein? C'est vraiment pas cher. En fait, c'est ce qu'on demande pour l'instant. On va l'avoir en janvier. En tout cas, on devrait l'avoir en janvier. Tu sais qu'il n'y a aucune garantie sur ces sites-là. Ouais, ouais. Ça inclut le shipping, 15$. Donc, la page est sur Kickstarter.com. Le lien est sur assemblagerequis.com. Hey, ça sert complètement à rien. Je trouve ça cave. Puis j'ai le goût d'en avoir un. Imagine si t'en mets 3-4, tu pourrais te faire un gros light party. ils sont à 45 000 sur leur 20 000, il reste encore 28 jours, donc ils pourraient encore une fois augmenter. Wow, il va y avoir tellement de bols éliminés dans le monde. Ça va être malade. Ensuite, on passe à la cuisine, je te dirais. OK, avec une bouteille de vin. Une bouteille de vin, c'est bien le fun, mais ça peut faire des dégâts. Oui. Il te faut donc les wine condoms. Pardon? C'est des condoms pour bouteilles de vin pour protéger votre manche, votre goulot, si on veut, de renverser son liquide, je te dirais. Donc, c'est enveloppé chacun dans un papier d'aluminium, pareil comme un vrai condom. C'est fait à 100% de caoutchouc noir tuxedo, donc un noir vraiment profond. Et on peut rouler ça sur le goulot de sa bouteille, standard ou magnum, peu importe votre largeur préférée. Et c'est ça. C'est voulu, mais tu sais qu'il y a des grandeurs de bouteilles d'alcool, de vin ou de champagne qui s'appellent Magnum. Ah, ça, je savais pas qu'il y avait... C'est un format de bouteille. Je savais qu'il y avait des gros goulots, mais je savais pas qu'il y avait du Magnum. Ben, les formats de bouteilles ont chacun un nom. Je les connais pas, mais me semble qu'il y en a un qui s'appelle Magnum. Eh ben. Donc, c'est parfait pour aller avec le condom. Ben, c'est parfait. C'est bien un emballage de 10. Et c'est, on dit, en blague, j'imagine, à 99,9% efficace. Contre les renversements imprévus. On retrouve ça sur firebox.com. J'aurais aimé vous sortir le prix. J'aurais vraiment aimé ça. C'est très drôle. Ça sent bien. Et voilà. 12 livres sterling. Mais oui. Ça me dit tellement rien. Moi non plus. Fait que ça valait la peine d'attendre. Faut que je repense à mes expériences sur eBay. Je m'en souviens pas. Je sais que l'Australien, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Mais la livre sterling, je m'en souviens vraiment pas. J'étais vraiment proche de l'avoir. Ça marche pas. Livre en dollars canadiens, je l'ai dit. Ah oui. Fais-moi pas attendre pour rien, c'est long quand tu me fais attendre de même. 12. Oui. 21,62, ça se peut-tu? Ça se peut. Dollars canadiens, voilà. Ça se peut. En tout cas. Échec total comme conversion. Échec et le prochain gadget aussi, c'est de l'échec à la verticale. Tu sais, quand tu joues à la verticale, ça a l'air bizarre. Tu sais, quand tu joues aux échecs sur l'ordinateur, tu joues contre toi-même. En fait, tu joues pas contre toi-même, tu joues contre l'ordinateur. Ouais. T'aimerais mieux pouvoir jouer contre toi-même parce que toi, tu te trouves vraiment bonne. C'est connu. Pas aux échecs, non. C'est un des seuls domaines où tu peux dire que t'es plutôt pas. Mais je sais jouer. OK. Mais, tu sais, de base, là, je connais pas de coups fantaisistes. Et comment capturer la reine ou le roi ou comment faire le final échec et mat, ça, je me rappelle pas comment ça finit une partie d'échec. Non, mais si c'est juste quand tu manges le roi, là. Ouais. Non, c'est juste que t'as des coups spéciaux, par exemple. Le roc, ça s'appelle, tu peux interchanger le roi et la tour, mais ça peut juste se passer à un moment en particulier dans la partie. Okay. Mais donc, il y a plein de mouvements que tu peux faire comme ça qui sont inconnus, je dirais, des néophytes du domaine. Tu sais, on peut connaître comment les pièces se déplacent, mais on connaît pas tous les coups possibles derrière ça. Là. Des revirements de situation, des plot twists, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire encore. Exactement. On trouve ça complexe sans le connaître, mais c'est encore plus complexe. Fait que jouer contre soi-même... C'est comme la blague que je viens de faire comme subtilement en arrière-plan puis que personne ne l'a compris, mais si vous retournez écouter l'enregistrement, c'est quand même une bonne blague. Quoi ça? Ouais. Non, mais je la répéterai pas parce que c'est justement le secret. C'est ça le secret, c'est qu'il va falloir aller écouter la balado-diffusion pour l'avoir. Tu penses que je vais faire ça? Ou les meilleurs moments d'assemblage de qui dans un instant classique au Pamela Rassifou à 8h46. Donc, si c'est ça, on veut jouer aux échecs, mais pas contre un ordinateur, on veut jouer contre soi-même. La solution, c'est le Vertical Magnetic Chess Board. C'est une planche d'échecs métallique avec des morceaux magnétiques qu'on accroche donc au mur, tout ça, et on joue à la verticale. Et on peut facilement l'enlever alors qu'on est en train de jouer sur le mur. On l'enlève et on le met sur une table et on continue de jouer. Parce qu'on est tanné d'être debout, par exemple? Parce qu'on est tanné d'être debout. Tu vois, genre, et toujours contre soi-même ou peut-être que quelqu'un d'autre pourrait s'intégrer à la partie quand même. Il n'y a pas de raison vraiment de jouer tout seul. Non, même à moins à la d'être verticale. Vraiment solitaire. C'est ça. Antisocial. Puis ça rajoute un défi de jouer à la verticale parce que c'est pas dans l'orientation que t'es habitué de voir. T'sais? Ben oui. Ben... Quand même un peu, quand t'es assis devant, tu vois quand même de haut. Non? Ouais, si on veut, mais tu pourrais jouer comme lui, il joue du côté, tu sais. Ah, mais là, tu vois bien qu'il est mongol. Il ressemble à James Van Der Beek, genre Dawson. Oh, c'est tellement vrai! On dirait Dawson. OK, donc allez voir la photo sur assemblagerequis.com et achetez le produit. Le lien est aussi sur le site. Je ne cliquerai même pas sur le lien pour vous dire le prix parce que ça charge tellement lentement. Le chien, l'animal de compagnie qu'on appelle le chien. Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Quatre pattes, une queue, des petites oreilles qui fait dans le vent. Des fois, ils sont pas assez en forme pour nous. On trouve qu'ils prennent pas soin de leur personne ou leur animal. Bref. Donc, ce tapis, tapis roulant, tapis comme un treadmill, comme on l'appelle, pour s'entraîner. Tout le monde connaît le tapis d'entraînement. Durable et portable, portatif. On peut le mettre à plusieurs niveaux d'intensité. C'est fait pour simuler un terrain extérieur pour le chien. Donc, et améliorer son endurance et sa force. C'est l'ultime session d'entraînement cardiovasculaire, nous dit-on, pour le chien. C'est grandeur chien. Pour 1039,54$. OK, donc toi, tu peux pas l'utiliser. Non, c'est seulement pour les chiens. Alors que si t'en achètes un pour toi, ton chien peut l'utiliser. Mais est-ce que ça simule l'expérience d'un terrain extérieur? Ben mon Dieu, c'est un tapis normal, comment? Que je comprends pas comment il peut le simuler. Là. Je sais pas, mais si tu peux te dire ça dans ton marketing, ça veut pas dire que c'est vrai. T'sais. Genre, tu comprends? T'sais? La compagnie dit que ça simule un terrain extérieur. Comment est-ce que tu peux savoir que ça simule un terrain extérieur? Mais je sais pas s'il y avait de la fausse pelouse, puis des trous, puis des crottes. Là. Pour vrai, je vois vraiment pas qu'est-ce que ça a différent d'un tapis roulant normal. À part que tu peux pas embarquer dessus parce qu'il est plus petit. C'est ça. Aucune idée. Ça supporte probablement pas ton poids. Ensuite, c'est le Canine Treadmill en passant. Le CLATS, maintenant, c'est un bracelet intelligent et un téléphone, un combiné téléphonique en même temps. Ah? Donc, on sait que tout est intelligent de nos jours. Là. Un bracelet qui te permet de regarder l'heure, c'est rien de bien particulier. Celui-là te donne des alertes quand tu as des nouveaux SMS, des courriels, des appels entrants, tout ça sans avoir à sortir ton téléphone de ta poche. Jusque-là, rien de nouveau. Ce qui rend CLATS nouveau, c'est que c'est aussi un combiné de téléphones. Donc, on le flippe, un peu comme un vieux téléphone rétro, le téléphone cellulaire qu'on flippait. Le bon temps. Le bon vieux temps. Et on l'utilise comme un combiné à son oreille. La durée de vie de la pile est un impressionnant 10 jours. C'est disponible en noir ou encore en rouge. Ça ramasse de l'argent sur Indiegogo. On demande $99 pour votre propre CLATS. C'est très raisonnable comme prix. Ça a bien du sens. $14,000 ramassés sur un objectif de $140,000. Oh, mais il reste 20 jours. Quand même. Ça s'annonce mal quand même, 10%. On sait pas, ça a débuté le 12 octobre. OK. Ça a un bon bout de fait déjà, et c'est seulement rendu à 10%. Je miserai pas là-dessus. Ensuite, ça, c'est pas vraiment un gadget qu'on peut acheter, mais tu sais, j'ai pas vraiment de chronique où je fais des affaires qui ne fait pas dans d'autres chroniques, hein, Steph? En tout cas, je la fais pas. C'est le Power Mac Bench. C'est une façon d'utiliser vos vieux Mac G5, tu sais, les grosses tours grillage, tu sais, les Mac qui étaient comme en genre d'acier brossé sur les côtés, et que l'intérieur était comme un screen, on se rappelle tous si on en a vu un. Un screen qu'on appelle un moustiquaire. Un grillage. Un grillage de métal. Ouais. C'était joli, c'était vraiment très très beau. Et donc, on transforme ça en projet de décoration. C'est chez Project Gallery. Le résultat est vraiment impressionnant, à mon avis. Ils ont fait un banc avec le dessus en bois. Ils ont non seulement mis du bois très très bien lisse, lissé et probablement verni, mais en plus, ils ont arrondi les côtés pour que ça entre entre les poignées. Tu sais, le Mac G5 avait des poignées sur le dessus pour des raisons que j'ignore parce que c'est clairement une machine que tu transportes pas vraiment. Ben, ça devait être les portables de l'époque. Peut-être. Donc, ils sont venus arrondir les côtés et faire la largeur exacte pour que ça rentre entre les poignées. C'est super, super beau. Allez voir c'est les photos. C'est vraiment très, très beau. En fait, c'est fait pour aller ensemble. Ben oui, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très apprécié des gens en général. Le mélange du bois et du métal ensemble, c'est quelque chose de super beau. C'est comme le sucré salé. J'adore ça. Ouais. Et eux, ils ont imaginé... T'imagines-tu t'asseoir là-dessus? Puis manger du chocolat noir, sel de mer. C'est comme le mélange parfait, coucher là-dessus sur ton petit banc. Stéphanie, dis-moi pas ça, je pourrais pas me lever debout. ils ont imaginé une série de meubles au complet avec des Power Max. Donc, allez voir le reste. Il y a des chaises, il y a des bibliothèques, des bureaux, des tiroirs. C'est génial. Ensuite, en ce moment, certains médias pourraient vous faire croire qu'il y a une épidémie d'Ebola. Oui. Parce qu'on sait clairement que ce n'est pas une épidémie, premièrement, du tout. Et que ce n'est pas transmissible facilement par l'air. Ça, c'est des faits qu'on vous dit peut-être pas assez dans les médias. Mais une compagnie a capitalisé sur le fait que l'Ebola était peut-être une épidémie transmissible juste en parlant à quelqu'un, en sortant le anti-Ebola jacket. C'est une façon de rester sans pathogène, donc en portant ce manteau-là avec du tissu antimicrobien, OK? Et trucs enlevables qui sont faits en genre... En tout cas, il y a plein d'affaires, là, genre... je sais pas trop ce que ça veut dire, le removable mesh sleeve cuffs, mais c'est des boutons de manchette, des boutons de manche enlevables qui sont faits pour être le plus antimicrobien possible. Donc, tout ça sur le collet, entre autres, pour pouvoir se cacher la bouche et s'empêcher d'avoir l'Ebola. 223,30$. C'est le capitalisme à l'œuvre. Mm-hmm. Avec le anti-Ebola jacket, on tire profit, on profite des gens naïfs. Voilà. On reste dans les vêtements, mais celui-là a pas mal plus d'utilité, à mon avis. Pas dur, hein? C'est le Scotty Vest Travel Boxer. Ça va prendre un méchant bon pickpocket pour venir te voler ton portefeuille et ton iPhone quand tu vas porter ces sous-vêtements-là faits de nylon et lycra, un mélange avec du Aegis Microbe Shield, donc anti-microbe, traitement anti-microbe qui empêche le développement des microbes et des bactéries, de la moisissure, etc. Tout ce qui peut causer des taches, des odeurs et la détérioration du produit. Les Travel Boxers ont deux poches, une à l'avant droit et une à l'arrière gauche pour mettre votre téléphone et votre passeport. Donc, respectivement, c'est la grandeur parfaite pour ça. Passeport, c'est probablement aussi la bonne grandeur pour iPhone 6 Plus, je pense. Ça, c'est tellement énorme. Les Travel Boxers sont disponibles en noir ou en gris. 20$ par paire, mais présentement, live aujourd'hui, mercredi le 29 et jeudi le 30, 40% de rabais. Ah. Sur ce Scotty Vest, si on entre le code Best Boxers, ça me tente. Je trouve ça vraiment cool. Je vais regarder ça dans tes bobettes. Peut-être pas pour un téléphone. Mais ça peut servir de short aussi. De short? Si t'es mal pris, ça peut servir de short. C'est marqué si t'es mal pris. Ouais. Un coup mal pris qu'on appelle. C'est cool. Scotty Vest, qui font d'ailleurs, Scotty Vest, pas pour en parler à outrance et leur faire de la publicité pour rien, mais ils font des pantalons, des vestes avec multiples poches. Okay. Et ça paraît pas que t'as des poches. C'est comme des cargos, mais sans avoir l'air de cargo. Parce que c'est pas très chic, des cargos. C'est pas nécessairement joli. Mais eux, Scotty Vest et leurs produits sont vraiment beaux à aller voir ça. Bref, c'est dit, hein? C'est dit. C'est très cher, par contre. Très cher. C'est genre le Apple des vêtements, je trouve. D'accord. Ensuite, on retourne à la salle de bain. On était allé tantôt pour pas savoir où pisser la nuit. Hein. Des fois, on veut voir dans le noir son papier de toilette. Peut-être, je sais pas, j'ai trouvé une raison pour lesquelles on achèterait ça. C'est du papier de toilette de couleur flash. Donc, t'en as des noirs. T'as sûrement vu à l'épicerie le papier de toilette noir. Ils vendent ça, le même paquet de rouleaux, le même emballage. Et là, depuis, je pense, le mois de mai, dans mon épicerie locale. Oui, c'est ridicule. Là, il y en a juste acheté ça? Personne. Tu peux même pas voir si t'as fini de te... Tu sais, de t'essuyer la bouche après un repas. Parce que après avoir mangé du Nutella. T'as serviette, c'est ça, genre. Donc, achetez un petit peu de brillance, de couleur dans votre décor ennuyant de salle de bain avec des rouleaux de papier de toilette colorés. Trois épaisseurs, bien sûr, parce que je demanderais jamais moins que trois épaisseurs dans la vie. Mais franchement, c'est n'importe quoi. 100% biodégradable qui caresse vos régions particulières avec tout le besoin et le soin possible pour 37$. 37$, est-ce que c'est... Est-ce Mais que ça dit donc. Pour un rouleau? Voyons donc. Le Renova Toilet Paper, 6 rouleaux. Parfait, 27,49$. Mais quand même, là. Il y en a en stock. Tu l'as en emballage de 3 aussi. Mais je comprends pas, parce que ça fait très, très, très longtemps que ça existe. Ma grand-mère, jadis, quand j'étais petite, elle avait du papier de toilette genre rose. Oui, je me rappelle. Je me rappelle avoir vu ça aussi. Je sais pas pourquoi ça existait, ça. Je sais pas. On dirait qu'ils ont arrêté d'en faire parce que je vois pas ça jamais nulle part. J'ai vu récemment du papier de toilette avec des fleurs dessinées roses dessus. Okay. Mais aussitôt que tu mets dans la toilette, t'as fortement l'impression que quelqu'un était dans ses règles proches. T'sais. Ça fait vraiment cet effet-là, pour vrai. Mais c'est pas grave. C'est pas agréable du tout. Fait que je comprends pas. C'est pas grave, ça. Excuse-moi, j'ai... J'ai dit c'est pas grave. Non, mais c'est que pourquoi est-ce que tu voudrais ça à chaque fois que tu vas aux toilettes, de voir ça? Je trouve ça bizarre. Mais t'en regardes dans le bol après, toi? Ben, des fois, tu peux pas éviter le regard. En tout cas, juge-moi pas. Disponible en noir, en bleu, en fuchsia. Je veux dire, le résultat dans la toilette, c'est pas ça qui m'importe, c'est le résultat sur mes fesses. Bon. Vert, lime, orange et rouge, Steph. Voilà. Ouais. 37$. Si c'était le même prix, je dis pas. Ouais, exact. Ben, en même temps, il est pas mal le même prix, celui qui est noir à l'épicerie, puis toujours pas preneur, tu sais. Ouais, mais il est noir. Non, là, ça marche pas, il est noir. C'est vrai. Ensuite, tiens, quand tu vas dans un bar, un café, un endroit public, des fois, tu vas jouer à juger les gens. Ouais. Ça arrive, c'est un de mes passants préférés, en fait, d'inventer des histoires aux gens, pas de les juger. de leur inventer des histoires. Mm-hmm. Mais des fois, il y a des histoires qui se répètent. Tu peux avoir le gars douchebag qui s'éclate de soleil. Tu peux avoir le solitaire désespéré. Tu peux avoir le gars qui est en train de boire et causer la serveuse. Il y en a tout le temps des affaires comme ça. Le bar bingo, c'est des cartes avec justement des rôles connus de bar. Mm-hmm. Et l'idée est de se faire une diagonale, une horizontale, une verticale, les quatre coins, peu importe. Vous inventez vos propres règles. Ça coûte 7$. Donc, tu vas avoir, je sais pas, quelqu'un en train de cruiser, c'est ça. Tu peux avoir genre un drink de fille. Mettons un gars qui se commande un drink de fille. T'as plein d'affaires comme ça. Donc, c'est bar bingo. C'est très drôle. Une bonne idée en équipe, en gang, mettons, ouais, à jouer à ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me sert absolument à rien parce que je sors pas dans les bars. Non, ben non, mais non plus. C'est très cool. Mais c'est pas obligé. C'est ça. Ça peut être dans un café tendance. Il va y avoir la plupart de ces rôles-là, mais justement, ça va. Ça prend de l'alcool. Ça prend de l'alcool, c'est ça. Mais tu peux les remplacer. Tu peux les remplacer. Ça peut être genre un café fancy macchiato au caramel. Mettons, ça remplace un drink de fille, ça, tu sais. Ben oui, il faut que tu réécrives tout ce qu'il y a d'écrit sur des... C'est dans ta tête. Ah non, rien là. N'importe quoi, là, je veux dire, tu l'inventes à mesure. T'as raison, tu sais. Je ne fais que jouer l'avocat du diable. C'est sûrement la fête de quelqu'un en ce moment, aujourd'hui, pour oui, tout le monde. Oui, Sébastien F. Guertin. Sébastien F. Guertin, du Zone Campus, l'éditorialiste. Joyeux anniversaire, Sébastien F. Guertin. Joyeux anniversaire, Guertin. On va peut-être pouvoir t'offrir, avec la durée de shipping que ça prendra, un gâteau au chocolat dans une canne. Hey, ça, c'est ton genre en tabarouette. Ben, mais en montrant à quelqu'un que leur existence vous importe en leur achetant une canne de gâteau à 8,74 $, simplement ajouter de l'eau dans la canne. Ben oui. Dis simplement ajouter de l'eau, est-ce que tu dois le faire cuire, le gâteau? Ben, c'est ce que je suis pas sûr, puis j'ai pas Internet encore, comme genre toujours à l'écran. Puis tu peux pas le mettre au micro-ondes, c'est une canne. Non, c'est ça, je me le demande. On dirait que je me demande comme moi, ouais, je me demande est-ce comme... que toi, tu peux cliquer dessus puis voir un peu quelque chose? Tu veux que je les coupe? Sur Check It Out. Je vais essayer. Ça me dit... c'est quoi tu veux savoir? Ben, ce que tu m'as demandé, c'est ta question, si il faut le mettre au micro-ondes. Ah, mais ça dit absolument rien. Bon, ben voilà. Product details. Ah, une boîte stylisée okay. Contenant les ingrédients d'un gâteau au chocolat. Ouais. Ça fait un délicieux gâteau au chocolat dans une canne à environ 15 minutes seulement en ajoutant de l'eau. Ça dit juste ça. C'est pas mal ce que j'avais pas mal dit. Hein. Ouais, mais ouais. Ça... Ah, you can bake it. Tu peux le faire cuire avec les enfants. Ah, ça dit rien. Bon, ben donc, le mais il faut que tu le fasses cuire, d'accord. Mais ça dit pas où, comment. Non, ça dit pas où, comment. C'est un minuscule cran au-dessus de Joe Louis, je te dirais. Un minuscule cran. on va rester dans la cuisine. J'espère que celui-là va être plus facile à comprendre. C'est des biscuits edibles. En fait, c'est pas vraiment des biscuits. Tu sais, quand tu te fais une batch de biscuits, Steph, tu sais que manger de la pâte crue, c'est sûrement le meilleur bout. Ouais, je sais. C'est ce qu'on sait tous. Il y a de la crème glacée à saveur de pâte de biscuit. Ah, c'est pas pour rien. On peut laisser faire toute l'étape de faire cuire les biscuits pour rien. Et juste manger de la pâte à biscuit avec edible. C'est des pots de pâte à biscuit prêtes à manger. Faites avec des ingrédients de qualité, sans aucun agent de conservation, sans saveur artificielle. Sans œufs non plus, et c'est disponible avec dans plusieurs saveurs classiques, dont brisole au chocolat, gâteau de fête, s'mores, barres d'arachide et confitures et cookies and cream. Wow! Biscuits crème. Ça a l'air totalement génial. Ça, pour vrai, j'oserais dire que c'est un de ceux qu'il faudrait qu'on commande pour vrai dans la vraie vie. Oui, mais je suis capable de m'en faire de la pâte à biscuits. Non, mais ceux-là, ils ont des saveurs et t'as pas besoin de les faire, les biscuits. Non, non, mais c'est parce que tu sais que moi, ça me dérange pas de faire ça, là. Ouais, je vais le garder pour moi, d'abord. Je peux en faire, tu sais. Ça a l'air vraiment cœur. Mais c'est pas marqué sur les pâtes à biscuits crues, de ne pas les manger crues? Ben oui. Mais genre, si tu regardes, Bottom Pittsburgh. Genre? Oui, mais c'est parce que t'as des trucs qui sont crus dedans, par exemple des œufs. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'ils disaient sans œufs dans le truc. C'est pas nécessairement bon, alors okay. Que là, c'est fait pour être mangé comme ça, donc c'est vraiment pas la même chose. T'as bien raison. Ensuite, on reste encore une fois dans la cuisine, mais par la bande, parce que c'est du savon à main à la saucisse bavarienne. Bavaroise. Bref, Frank Leder Bavarian Sausage Hand Soap, c'est fabriqué en petite batch en Autriche. C'est un savon à main unique fabriqué à partir de recettes traditionnelles en utilisant des ingrédients naturels et des odeurs qui vont vous laisser au nez. Du marjoram, j'imagine que ce soit une épice ou une sorte de saucisse, et du poivre noir. Ça va être super masculin et attirant, nous disent-ils. C'est présenté dans une bouteille très jolie de 250 ml. Donc, à odeur de ça, c'est ça. Marjoram, ça doit être la marjolaine? Je connais pas. Origanum majorana. La marjolaine. Marjolaine, génial. Ensuite, tu veux te changer. Tu es dans un parc, tu es peut-être à la plage, tu es même peut-être dans ta cour arrière ou avant. Et tu veux te changer, mais sans avoir exposé ton tout nu. Ça me fait penser à un fabuleux sketch de Mr. Bean. OK, lequel? Où il se change. Ouais, probablement. Il va aller à la plage, il veut mettre son maillot de bain. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un sur la plage. Donc, il essaie. Il réussit à mettre son maillot de bain. À interchanger son maillot de bain avec ses pantalons sans qu'on voit jamais rien. T'sais, c'est vraiment très, très, très burlesque à la Mr. Bean. On peut un peu imaginer de quoi ça a l'air. Et à la fin, on apprend. En fait, on voit le monsieur qui se lève et prendre sa canne. Il était aveugle, finalement, le monsieur qui était là. Oui, j'ai vu ça. Donc, c'est ça. C'est juste fabuleux. Je pense que je sais ce que je vais faire de mon heure de dîner tantôt. donc, c'est une robe. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus, je trouve vraiment affreuse. OK? C'est une robe pour se changer derrière. Donc, son design unique vous permet de discrètement et facilement changer vos vêtements tout en restant complètement couvert. Il y a un truc qui va autour du cou. C'est fait en genre de, on dirait du spandex. Ben, peut-être pas du spandex, mais quelque chose qui s'étire. C'est pas si horrible que ça. Tu trouves pas? Ben non. On dirait un tablier. Un mélange entre un tablier puis une robe. Mais c'est clair qu'une fois que c'est sur ton dos, c'est pas la même chose que juste par terre dans pelouse. C'est ça. T'as bien raison. 69$. Oh, 69. Franchement, c'est un peu cher. Ouais, c'est la portable. Demande à ton chum de te tenir une serviette, ça va faire pareil. Genre portable changing room dress. Ah, Steph, je sais que t'aimes l'expo, t'aimes la ronde. Oui. Hein? T'aimerais ça pouvoir avoir ton propre manège chez toi à la maison. Comme Richie Rich. Comme Richie Rich dans ta cour arrière ou avant. C'est le Gravitron Carnival Ride. Hein? C'est un manège qu'on peut acheter pour vrai. Et une fois que c'est installé, vous allez peut-être pouvoir même faire de l'argent. En permettant aux gens de payer. Ça doit être long avant de rentrer dans ses revenus. Dans tes revenus, parce que ça coûte 55 000 $. Wow! Bien sûr. Je sais pas combien tu chargerais du billet pour ça. T'es pas obligé de gagner trop cher. 1 000 $. Le billet. OK. Puis là, ça me prend 55 personnes. Parfait, ça. Ah, je pourrais dire, mettons, 500. Ça m'en prend 110. J'ai croisé le maire chez Harvey's hier. Fait que juste quelques clients comme ça, ses amis politiciens. Franchement. Facile, 1 000 piastres chaque, tu sais. Ah oui. Il n'a même pas pris l'extra bacon, c'est le maire quand même, si je te le permets. Ensuite, on termine avec les potins ici. On termine avec des potins. Tu sais, il y a quelques mois, tu m'avais parlé en onde d'une boîte, la Loot Crate, je crois. Oui. Qui t'envoyait des gadgets de nerd, de geek par la poste à chaque mois. Oui. Tu te rappelles vaguement de m'avoir harcelé pour qu'on... Ça me fatigue encore. Imagine si après... Je m'excuse, j'ai pas eu besoin de te harceler vraiment beaucoup. C'était un peu mutuel, ça. Ça te tentait, là. Comment ça? Mais imagine de recevoir des bonbons japonais chaque mois. Ça aussi, c'est une bonne idée sur eBay. C'est le fun d'aller voir des bonbons japonais, des sortes de chips. Je fais tout le temps ça. Moi aussi. Donc, ici, c'est vraiment le même principe. C'est des bonbons japonais dans des emballages colorés comme Internet nous montre depuis toujours. On s'inscrit pour Japan Crate et chaque mois, on reçoit un échantillonnage mystère de bonbons japonais. Donc, ils vont vous envoyer une boîte mystère avec entre 4 et 6 bonbons, complets, et 10 à 12 ensembles de bonbons qu'on fabrique soi-même. Ben voyons donc! On reçoit n'importe quoi. Ça peut être un kit pour fabriquer des sushis de bonbons, c'est comme tu as sûrement déjà vu sur Internet. Des Kit Kat à la crème glacée vanille. Ça, c'est des kits qu'on doit faire soi-même. Donc, ça commence à 12$ par mois avec le shipping gratuit aux États-Unis. Et non seulement est-ce qu'on peut donc utiliser ou essayer les meilleurs... bonbons du Japon. Mais ensuite, on a aussi une surprise comme Noël 12 fois par an. Voilà. Mais là, c'est donc bien cool. C'est parfait. Hein? Ça te tente-tu? Ben, je saurais pas quoi faire entre ces bonbons japonais-là et la loot box crate truc. Ouais, mais ça, choisir. C'est quand même moins dispendieux que C'est moins dispendieux et t'es plus sûr d'avoir quelque chose que tu vas aimer parce que la loot crate box truc, c'était tout le temps des affaires que un mois c'était le fun, l'autre mois c'était moins le fun. Donc, tu sais, ce que tu montrais m'intéressait pas nécessairement. Ça. Mais s'il y a des trucs qui nous intéressent moins, je pense que c'est quelque chose qui se revend quand même bien. Ou ça fait des beaux cadeaux. Oui, exactement. Bref, les deux, hein? Clairement les deux. On va faire les deux. C'est la Japan Crate. Sur assemblagerequis.com, nous voilà à la fin de cette deuxième portion de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a.

complètement outré. Et après ça, son mari arrive. J'imagine que son mari, même âge et genre même regard de « on se déteste tous les deux depuis probablement 70 ans ouais. ». Pour vrai. Mais il dit « Ah, mis des cocombes dans le... » Non, c'est des cornichons, mais c'est pas des cocombes. Et ça, c'était mon autre anecdote. Parce qu'il n'y a pas de cocombes dans ton burger, il y avait des cornichons. Mais tu sais qu'à l'origine, ça a déjà été quand même. Mariné, ouais. Ça devient un cornichon, c'est ça. En tout cas, bref. Ouais. C'était beau. Piment à la tête. Ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je pense qu'on a assez tourné autour du pot de cornichons. Je sais pas si ça t'intéresse d'avoir cette statistique-là. Là. On a joué 3 tonnes. Hey, cool! C'est l'émission la plus garnie comme un burger qu'on a jamais eu. De 4 cornichons, mais là, n'était pas, on a juste 3 cornichons et 3 tonnes. Ça nous prend une quatrième. On va finir avec un dernier cornichon pour la route. Il le faut. Est-ce qu'il va être pané et frit? Ça, je peux pas vous le garantir. Mais en même temps, il va être rock. Ah! Donc, ça va être bon. Un cornichon rock. Un cornichon extra rock sauce ranch, please. Thank you very much. On va se quitter avec une pièce de Orange O'Clock, nouvelle entrée du palmarès anglophone, qui se nomme Home Run sur l'album Crazy Carnival. Mais pour l'instant, nous, ça va être la fin d'Assemblage requis pour l'instant. Oh, déjà! Ah! Mais! J'ai vu le mal. On va se retrouver demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est l'émission de Périnatalité, qu'on être ensemble. À 14h, je vais être de retour avec Jean-Philippe Charbonneau pour co-animer les Palmarès C'est fou. À 17h, ce sera Palmarès du monde, on rappelle avec David Ferron. 18h, Audiomatique. 19h, Les Audacieuses. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. On se retrouve demain. OK, oui. Avec une autre bonne dose de légumes et condiments. À Assemblage Requis. On devrait inviter M. Lubin. Oui, pourquoi pas? Il est tellement friendly, il était bonjour. On va l'inviter pour une entrevue, puis tout le long, il parle de soupe de tomate. Il va être mêlé, il va être mêlé. Hey, on fait-tu genre la soupe de la semaine? Ça va être tout le temps la soupe aux tomates à chaque semaine avec M. Lubin. Bye. Fou de trouvailles. C'est fou. 89.1. Hey, moi, je me rappelle tantôt, là, à la fin d'Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièce détachée. On avait dit qu'on finirait avec une quatrième chanson comme un cornichon, tu sais. Là, j'ai fait de moi un vrai cornichon, comme toujours. J'ai oublié de mettre la pièce d'Orange O'Clock. Fait que je vous la joue là, en bonus. C'est comme dans un jeu vidéo, quand tu trouves une sortie bonus avec la clé, puis là, tu tournes, puis là, il part une chanson d'Orange O'Clock, puis tu capotes bien raide, tu sais. Ben, c'est pareil comme ça, mais en mieux encore. À demain pour vrai. Game's kind of fun to play, I don't wanna be out. I know there are lines that we shouldn't cross. We'll be fooling around, but there will be no us. Strike number one, I was trying to turn it on. I'm not allowed to speed it up. Not allowed to speed it up. Backward, it feels like we're wasting our time. Over and over, we skip like a record. Running in circles, stuck in the same old swirl. She said, rules are clear, I don't want more. No strings attached and there will be no us. Strike number two, couldn't stand it, I fell in love. Game's not a game anymore. Guess we're not living in the same world. wasting our time, 'cause I could take you miles and miles and miles and miles and miles away with